Merci Manu Farine. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris cette semaine la disparition d'un grand arpenteur des chemins de traverse de la littérature française de science-fiction. Joseph Alterac nous a quittés brutalement. Il était sans conteste un modèle d'érudition pour tout ce qui concerne les littératures de l'imaginaire, érudition qu'il avait consignée il y a 2 ans dans un recueil Monde coécrit avec son camarade Guy Coste, un coffre au trésor pour tous les amoureux de la science-fiction et de tous les genres étranges qui y affairent. Encyclopédie indispensable dans laquelle se côtoient des auteurs inattendus comme Huysmans ou Claudel et des thèmes aussi impossibles que Napoléon Résurrection ou Galvanoplastie. Aujourd'hui, en hommage à Joseph Alterac, nous vous proposons de réécouter cette émission. Rétrofiction, 5 siècles de SF francophone vous contemple, c'est le programme hommage pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais pour commencer, on fait le tour de l'actualité des sciences et de la science-fiction de la semaine dans le journal des sciences et de la science-fiction de Natacha Triou avec Antoine Beauchamp. Bonjour à vous deux. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Et on commence avec le premier sujet de ce journal. Selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Science, sur Mars, les tempêtes de poussière rejettent de l'eau de son atmosphère. Et Mars, une planète autrefois riche en eau, est à présent un désert sec où les tempêtes de poussière sont très fréquentes. Selon cette équipe américaine, ces mêmes tempêtes de poussière ont sûrement contribué à transformer Mars en monde aride. Les chercheurs ont analysé les données de la sonde MAVEN de la NASA et ils ont découvert que des traces de molécules de H2O dans la haute atmosphère, à des altitudes beaucoup plus élevées qu'on ne le pensait. H2O réagit avec les ions de la haute atmosphère, se décompose et s'échappe dans l'espace. Ils ont aussi découvert un rythme saisonnier. La haute atmosphère contient plus d'eau lorsque Mars est plus proche du Soleil ou lorsqu'il y a une forte tempête de poussière. Selon leur modélisation photochimique, ce processus d'évacuation a influencé l'évolution de son climat. Au cours du dernier milliard d'années, cela aurait asséché Mars. La planète aurait ainsi perdu l'équivalent d'un océan mondial d'une centaine de mètres de profondeur. En bref, selon une étude parue dans Nature Communication, le nerf optique peut se régénérer grâce à la thérapie génique. Une équipe internationale vient de régénérer des cellules nerveuses optiques de souris. Normalement, les dommages sur ces cellules sont irréversibles. Lors de plusieurs expériences, les chercheurs ont montré que l'augmentation de la production d'une protéine, la protrudine, stimule la régénération des cellules. Les chercheurs ont donc dopé la production de protrudine chez des souris adultes. Après une lésion du nerf optique, il s'avère que les axones se sont régénérés sur le long du nerf optique. Alors reste à vérifier si cette protéine a le même effet protecteur sur des cellules rétiniennes humaines. Si c'est le cas, cela serait une nouvelle piste thérapeutique pour traiter le glaucome, la première cause de cécité au monde. En bref toujours, une étude parue dans la revue eLife décrit une nouvelle cible pour lutter contre le paludisme. Chaque année, cette maladie touche environ 200 millions de personnes et elle a causé, en 2018, près de 400 000 morts. 5 espèces du parasite Plasmodium en sont responsables et elles développent des résistances à tous les médicaments. Ces parasites ont un cycle de vie complexe qui alterne des stades actifs et inactifs. Une équipe du CNRS a découvert que les Plasmodium se déplacent et infectent les cellules de leur hôte grâce à la myosine A, une protéine qui joue un rôle fondamental dans le déplacement des cellules et dans la contraction musculaire. Bloquer l'action de la myosine A pourrait être une nouvelle cible médicamenteuse pour la recherche de futurs antipaludiques. Selon une étude parue dans Geophysical Research Letters, les panaches d'eau sur Europe, la lune de Jupiter, ne proviennent pas de son océan souterrain. Et pour la recherche d'une vie extraterrestre, Europe fait souvent office de bonne candidate. On sait qu'il existe, sous sa surface, un océan souterrain recouvert d'une couche de glace. Et à sa surface, des panaches de vapeur d'eau très salée qui se répandent dans l'espace. Des planétologues américains ont simulé l'origine de ces panaches. À partir des données de la sonde Galileo, ils ont examiné un cratère d'impact large de 29 km. L'impact qui a créé ce cratère aurait fait fondre une grande partie de la glace et aurait provoqué une éruption cryovolcanique. Ces panaches d'eau ne proviennent donc pas de l'océan souterrain, mais de réservoirs à sa surface, des lacs beaucoup moins profonds. Selon eux, la couche de glace d'Europe reste très dynamique. Et cette semaine, dans le Journal des Sciences, nous avons parlé de l'annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech et de leur vaccin contre la Covid-19, de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, de la découverte d'un crâne d'hominidé vieux de 2 millions d'années et de la Covid-19 qui augmente les risques de troubles psychiatriques. Mais également, dans l'actualité des sciences, Natacha, en ultra bref. Cette année, la saison des ouragans a officiellement battu un record. Dans le sud-est des États-Unis, les Caraïbes et l'Amérique centrale, en 2020, on a recensé 29 tempêtes tropicales. En cause, le changement climatique qui augmente la température des océans et qui rend les cyclones plus puissants. Le US National Hurricane Center affirme qu'il y a de fortes chances pour qu'un 30e ouragan se forme avant la fin de l'année. Cette semaine, en Birmanie, une découverte rare. Une nouvelle espèce de singe a été découverte grâce à des analyses ADN. Ce primate de 50 cm a été baptisé Popa Langur. Et comme la plupart des espèces nouvellement découvertes, le Popa Langur est menacé d'extinction. On ne compte que quelques centaines de spécimens. Et enfin, SpaceX s'apprête à lancer demain, en Floride, 4 astronautes vers l'ISS, à bord de sa fusée Falcon 9 et de sa capsule Crew Dragon. 3 Américains et 1 Japonais vont rejoindre la Station Spatiale Internationale. Avec cette fusée et ce vaisseau américain, ce lancement marque la fin de la dépendance des États-Unis envers la Russie pour le transport de ces astronautes. Et on passe comme un vendredi sur deux au journal de la science-fiction. Selon une étude parue dans la revue MDPI, il y aurait un peu moins de 50% de chances pour que nous vivions dans une simulation informatique. Et nos vies sont-elles réellement réelles? Ou est-ce que notre réalité est simulée par une intelligence artificielle? Un peu comme dans le scénario de Matrix. C'est la question de départ de David Kippin, le professeur à l'Université de Columbia. Alors, l'hypothèse n'est pas nouvelle, elle a d'abord été formulée en 2003 par le philosophe suédois transhumaniste Nick Bostrom, avec sa théorie de la simulation. Alors dans cette nouvelle étude, l'Américain s'est appuyé sur ses travaux, mais aussi sur une approche bayésienne. Cela consiste à calculer les probabilités pour qu'une hypothèse soit plus vraisemblable qu'une autre. Alors s'il arrive à un peu moins de 50% de chance, c'est parce qu'il est impossible de prouver si nous vivons ou non dans une simulation. Même si nous étions des êtres virtuels vivant dans une illusion, aucun élément concret ne permet de le prouver. Mais l'auteur fait aussi valoir le principe du rasoir d'Occam, selon lequel l'explication la plus simple est la plus réaliste. Alors en attendant d'avoir des preuves solides, le 4e opus de Matrix, réalisé par Lana Wachowski, doit sortir le 22 décembre 2021, avec toujours Keanu Reeves dans son rôle de Neo et toujours Carrie-Anne Moss pour Trinity. En bref, les États-Unis renforcent leur militarisation spatiale. La Space Force de l'armée américaine, fondée en 2019, va créer une unité spéciale consacrée à la guerre orbitale. L'unité en question s'appelle Delta 9 et elle sera dotée de la très secrète navette X-37B. Une navette expérimentale conçue pour des vols sans équipage. Auparavant, elle était sous la tutelle de l'US Air Force. Sa fonction exacte n'a pas été communiquée, tout cela est classifié, mais X-37B devrait mener, je cite, « des opérations de protection et de défense de l'espace afin de fournir des options de réponse pour dissuader et vaincre les menaces adverses dans l'espace ». Alors, les États-Unis ne sont pas les seuls à s'engager dans cette voie. La Russie, l'Inde, la Chine ainsi que la France développent des technologies anti-satellites pour de futures opérations militaires. En bref toujours, la Russie veut être le premier pays à tourner le premier film de fiction dans l'espace. Et on assiste à un nouveau type de course spatiale. Il y a quelques mois, Tom Cruise, la NASA et SpaceX avaient annoncé travailler ensemble pour le tournage d'un film hollywoodien à bord de l'ISS, pour le premier film narratif en dehors de l'atmosphère terrestre, avec le réalisateur Doug Liman. La Russie entre donc dans cette odyssée cinématographique. La chaîne russe Channel One, en collaboration avec l'agence spatiale Roscosmos, veulent être les tout premiers. Un film pour vulgariser les activités spatiales de la Russie et pour glorifier la profession de cosmonaute. Channel One prévoit $1 milliard de budget pour un tournage prévu en octobre 2021. Et enfin, côté parution, une histoire de la science-fiction en BD est à paraître aux éditions Les Humanoïdes Associés. Une maison d'édition qui connaît bien son sujet, hein, puisqu'en 75, elle édite le magazine Métal Hurlant. Le 18 novembre prochain, en papier et en version numérique, elle publie l'album documentaire de 200 pages, sobrement intitulé « Histoire de la science-fiction en bande dessinée ». Qui a écrit le premier récit de science-fiction et quelles sont les évolutions du genre? Qui a inventé ce mot? D'où vient le salut Vulcain? Le tout est rédigé par Xavier Dolto et illustré par Djibril Morissette-Fan. On peut aussi noter l'apparition aux éditions de La Talente, la sortie d'un MOOC sur Dune et sur l'univers de Frank Herbert, avec notamment une interview de Denis Villeneuve. Et nous consacrerons d'ailleurs une émission sur Dune très très prochainement. Et enfin, Natacha, comme chaque vendredi, nous terminons ce journal par la rubrique des sciences improbables. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une étude parue dans la revue Animal Behavior sur les stratégies d'accouplement de certaines araignées. Et chez les araignées, les femelles sont plus grosses que les mâles et la plupart du temps, elles finissent par manger leur partenaire. Des chercheurs tchèques ont filmé et observé au ralenti les ébats de couple de Phyllodromidae. Les images en slow motion montrent que pour éviter d'être mangé, le mâle bondit sur la femelle, la mord et lui ligote les pattes avec de la soie. Puis après s'être accouplé pendant 19 minutes, il s'enfuit. Mais les chercheurs ont aussi découvert que certaines femelles ligotées se libèrent rapidement pour dévorer leur assaillant, tandis que d'autres se laissent faire. Selon les chercheurs, les cordages de soie contiennent peut-être des messages chimiques qui séduisent ou non les femelles. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve lundi pour le prochain journal des sciences. Suite à la disparition de Joseph Alterac cette semaine, qui était l'un, si ce n'est le plus important historien de la SF en France, nous vous proposons donc aujourd'hui de réécouter l'émission consacrée à la Bible, coécrite avec son ami Guy Coste, de tout ce que compte d'imaginaire la littérature, mais aussi la bande dessinée, la vaisellerie ou la philatélie française, rétrofiction, encyclopédie de la conjecture romanesque traditionnelle, ce sont les éditions Ancrage et Belles Lettres. Bonjour Guy Coste. Bonjour à tous. Bonjour Joseph Alterac. Bonjour. Voilà, vous êtes les deux co-auteurs, avec d'autres dont on citera les noms au cours de cette heure, de rétrofiction, encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle. C'est aux éditions Ancrage et Belles Lettres. Mais avant de plonger dans cet océan insondable, donc de la conjecture romanesque rationnelle francophone, elle est le phare qui nous guide chaque semaine dans les eaux tourmentées de l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Voilà donc, à 16h, bientôt 15 sur France Culture, il y a deux imposants volumes à mes côtés. Je regardais, voilà, je fais comme ça un peu de bruit pour vous rendre compte que c'est deux très très gros volumes. Rétrofiction, encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle. C'est une coédition Ancrage et Belles Lettres. C'est une encyclopédie qui a donc pour ambition de recenser dans la littérature francophone du XVIe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, 1951 précisément, toutes les occurrences de ce qu'on nomme aujourd'hui science-fiction, c'est-à-dire précisément de la conjecture romanesque, et on reparlera un peu de ce terme et de cette définition. Autant cette conjecture romanesque rationnelle chez les auteurs de littérature dite classique que chez les auteurs spécialisés, autant pour ce qui concerne les romans que la bande dessinée, le cinéma, les feuilletons radiophoniques et même des objets plus saugrenus comme des timbres ou de la vaisselle. Les deux passionnés qui sont derrière cet ouvrage, qui recense donc 11 000 occurrences pour 5 000 entrées onomastiques, n'en sont pas à leur coup d'essai. Vous aviez publié l'un et l'autre en 2006 Les Terres Creuses, bibliographie commentée des mondes souterrains imaginaires. Nous sommes donc ravis de vous recevoir aujourd'hui, Guy Coste et Joseph Alterac. Bienvenue à vous. Et peut-être, c'est toujours difficile de savoir par où commencer quand on est face à une somme aussi imposante. Et je me suis dit que finalement, une bonne façon de commencer cette émission serait peut-être de faire ce qui est le plus intuitif quand on se retrouve avec ces volumes entre les mains, c'est d'aller fouiller dans l'index. Cet index thématique qui a des entrées absolument magiques. Je peux vous en citer quelques-unes. Communisme ou socialisme, réaction tsariste. Napoléon, résurrection. Ou le distinguo important, pieuvre, kraken ou poulpe, attaque en surface ou attaque sous-marine. On a aussi des entrées comme sculpture, galvanoplastie et pétrification. C'est une sorte de labyrinthe foisonnant d'un panorama étrange et bizarre. Comment vous le définiriez, Guy Coste ? C'est un éventail à la Prévert, oui. On a mis toutes les idées conjecturales que nous connaissions en ordre. On les a déclinées en sous-thèmes. Et ensuite, on a mis un titre à chacune de ces entrées. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, et j'ai oublié d'en parler à la préparation de l'émission, c'est l'écologie. C'est très à la mode, mais on se rend compte que c'était aussi à la mode au 18e, au 19e et pendant tout le 20e siècle. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La poésie, qu'on a mis sur le même plan que les romans, nouvelles et autres entrées de l'encyclopédie, et les chansons, parce qu'il faut être gay aussi dans la littérature. Voilà. Joseph Alterac, sur cet index et sur le travail monumental que représente le travail d'indexation que vous avez fourni, outre le travail monumental que représente cette encyclopédie dans son ensemble. En fait, l'idée de l'index, elle est venue de travail de Blyler, père et fils, qui sont des érudits américains, qui ont, avant nous, ont fait des ouvrages un peu de, qu'on pourrait comparer à rétrofiction, consacrés à la science-fiction américaine, on va dire ancienne, et aussi au fantastique américain. Et dans les deux cas, dans deux ou trois de leurs ouvrages, ils ont dressé des index thématiques. Et au début, c'est assez amusant. Enfin, on feuillette les index et on voit, alors en anglais, je vais pas le dire en anglais, je parle mal anglais, tout le monde se moquerait, mais Martien a quatre bras, trois yeux, etc. Il s'amusait à détailler. Et c'est plutôt amusant au départ. Et à l'époque, quand j'ai découvert ces ouvrages-là, je faisais un certain nombre de petites recherches sur Mars et compagnie, je me suis aperçu avec étonnement que c'était utile. Donc on s'est dit finalement, pourquoi ne pas faire ces index détaillés qui ont l'air un petit peu comme ça farfelus. Alors je crois qu'on n'a pas mis l'entrée raton laveur, mais on est pas loin. On a mis un certain nombre d'animaux bizarres. On va nous le reprocher. Zoologie imaginaire ou cryptozoologie, on a fait un petit renvoi. Et finalement, on s'est un peu pris au jeu. Faut quand même être honnête. On n'a pas travaillé d'une manière si systématique que cela. Un certain nombre d'idées, de thèmes nous sont venus au fur et à mesure de notre travail. Parfois. Et puis l'informatique permet de rattraper le coup après coup. Voilà. Pour se corriger et d'ordonnancer tout cela de manière plus simple qu'à l'époque de Voltaire où il écrivait à la chandelle et à la plume d'oie. On va revenir sur vos travaux. Peut-être dire un mot, parce que ça n'est pas votre coup d'essai. Je le disais, il y a un ouvrage qui préfigure un peu ce travail titanesque que représente Rétrofiction. Votre première collaboration sur les Terres Creuses. Mais avant cela, j'aimerais juste savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette gigantesque œuvre de recension de la littérature, des littératures de l'imaginaire. On pourrait dire ça comme ça, Joseph Alterac. Ça, les rencontres sont des rencontres, on va dire, d'amateurs. C'est un autre amateur de science-fiction, Dominique Martel, de l'association 42, pour ne pas le citer, qui nous a fait nous rencontrer. Mais je crois qu'on vient tous, plus ou moins de la lecture de Pierre Versin. Bien sûr. Je crois que c'est vraiment le commun le pôle, dénominateur. Voilà, le commun dénominateur. Toute une Pierre série Versin, l'encyclopédie de l'utopie des voyages extraordinaires et de la science-fiction qui date de 72, c'est ça ? 72, c'est ça. Oui. Ouais. Réédition 84. Ouais. Donc les amateurs se rencontraient d'une manière ou d'une autre, soit comme ça, de bouche à oreille, soit par des échanges, soit chez des libraires, des courriers de lecteurs aussi, des gens qui s'abonnaient à des petites publications qu'on appelle les fanzines, dont certains édités par Pierre Versin d'ailleurs. Tout ça, ça a construit une espèce de petit monde qui communiquait pas si mal, même si l'internet n'existait pas. Donc, il communiquait avec la vieille méthode d'envoyer des lettres écrites à la main. Avec un timbre. Je sais plus, j'arrive plus à écrire à la main, avec un timbre. Mmh. Et, ça se fait plus tellement aujourd'hui. Mais avant, ça fonctionnait comme ça, avec des fanzines tirées à 100 exemplaires, que les gens s'échangeaient, voilà. Et qu'on achetait dans les librairies spécialisées. Dans certaines librairies spécialisées, effectivement, à certaines époques, c'était difficile, parce que à l'époque où Versin faisait ça, donc lui, au milieu des années 50, il a commencé un peu là, c'était des choses rares, très peu de gens, très peu de gens étaient au courant de l'existence de ces fanzines. En tout cas, une petite communauté s'est constituée comme ça, et dans cette communauté d'amateurs de science-fiction, les amateurs de science-fiction, on va dire, anciennes, ont constitué un noyau particulier. Qui s'est réuni d'ailleurs autour d'une publication, le bulletin des amateurs d'anticipation ancienne et de littérature fantastique, à partir des années 90, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre, vous le dites, de l'ordre de la collection, parce que vous travaillez en partie partie sur ce que vous-même, vous avez réussi à retrouver, amasser, collectionner l'un et l'autre. Oui, alors Joseph va s'insurger. On ne se définit pas vraiment comme collectionneur, mais comme rassembleur. Oui, les assiettes ornées, ça c'est un péché mignon que Joseph est en train de dévoiler. Mais on rassemble de la documentation qui nous permet de pouvoir travailler chez soi. Joseph n'aime pas les bibliothèques publiques pour des traumatismes d'enfance, certainement. Mais ça lui permet de travailler chez lui. Moi aussi, je suis un peu plus exigeant sur l'état des bouquins que les siens. Ça nous fait rigoler, mais on travaille au départ comme ça. Après, que je vous l'ai dit, l'informatique permet de travailler un peu dans n'importe quel ordre. Et après, tout ça est ordonnancé, indexé et fait ce qui est rétrofiction. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les bibliothèques physiques, publiques? C'est intéressant comme lapsus dans les bibliothèques publiques. Une expérience véritablement terrible, dont je ne me suis toujours pas remis, c'est que mes parents m'avaient commandé la belle série en 12 volumes des chefs-d'œuvre de la science-fiction dirigée par Jacques Bergier. Et on trouvait ça dans Télé 7 jours, il y avait des abonnements. Et donc j'ai reçu des ça, j'étais absolument ravi. Voilà, des clubs. C'était les éditions Rencontres, qui publiaient de très bonnes choses d'ailleurs. Et il y avait une espèce de dépliant et un début dans lequel Bergier faisait une histoire de la science-fiction et donnait toute une série de titres. Alors moi, j'avais copié tous les titres que notait Bergier, et puis je m'étais rendu à la bibliothèque municipale d'Hermont, Val d'Oise. Je n'ai pas trouvé un seul titre. Et donc je me suis dit, non, c'est pas dans les bibliothèques que l'on trouve des livres de science-fiction. Voilà la raison. Alors, c'est pas entièrement la faute de la bibliothèque, parce que Bergier avait cette particularité, mais à l'époque ça se faisait beaucoup, de donner un titre d'ouvrage en le traduisant, mais sans préciser que l'ouvrage n'avait pas été traduit en français, ce qui fait qu'effectivement, il était difficile de le trouver dans une bibliothèque, n'importe laquelle d'ailleurs, à partir de ce renseignement. Mais voilà, depuis cette époque-là, la plupart des ouvrages que j'utilise, je les achète, je me les procure. Alors maintenant, il y a une nouveauté, c'est que soit on envoie des espions dans les bibliothèques, on se sert de Gallica depuis. Ou on se sert de Gallica, voilà. Cette méthode permet de ne pas avoir à entrer à l'intérieur de la bibliothèque. Ça dit tout de même quelque chose du manque de diffusion de la science-fiction en France pendant très longtemps, et peut-être d'une bascule dont on parlera tout à l'heure, du triomphe de la science-fiction anglo-saxonne à un moment donné. Après l'arrêt de rétrofiction qui s'arrête en 51, là aussi on y reviendra. Oui, on n'a pas choisi au hasard cette date, oui. Alors, avant peut-être un mot sur cette première ambition, moi que je trouve merveilleuse. Comment est née cette idée de faire ce premier projet commun qui s'appelle Les Terres Creuses, c'est-à-dire une sorte de bibliographie commentée, une bibliographie commentée des mondes souterrains imaginaires. Comment est née cette idée, Guy Coste? Alors, elle est née après l'idée de rétrofiction. En fait, quand on s'est rencontrés, on a vu que nos centres d'intérêt étaient communs, que j'ai pu apprécier l'érudition de Joseph. Et je ne m'intéresse pas beaucoup aux assiettes ornées, mais j'en ai une qu'il faut que je te donne. D'accord. Et voilà, j'ai perdu le fil, c'est malin. Il a réussi, lui, en tout cas, à vous mettre un petit tac comme ça, à vous faire... Bon, alors, l'idée de la des Terres Creuses est venue après rétrofiction. Elle est venue après rétrofiction, mais en fait, elle est parue avant parce que j'ai fait lire le manuscrit dans l'état où il était. C'était lors d'une convention à Nancy, autant que je puisse me rappeler, à Joseph, qui m'a dit, écoute, c'est bien simple, j'arrête tous mes travaux en cours, on fait ensemble quelque chose de beaucoup plus élaboré, beaucoup plus ambitieux. Et voilà, c'est comme ça que sont nées les Terres Creuses. Mais pourquoi les Terres Creuses? Pourquoi ce registre-là particulièrement? Parce que j'ai fait de la spéléo. Voilà. Okay. Joseph, je ne sais pas, mais il s'est bien mis au truc. Et voilà, on a fait c'est un travail ça, commun. Oui, alors là, effectivement, la spéléo, là, toi, tu as une raison... incarné. Très précise. J'en ai une autre aussi. Je pense que c'est pour ça que j'ai flashé là-dessus. D'abord, l'intérêt de la liste et des ouvrages cités, tout de suite, ça parle. On se dit, on a envie d'en savoir creuser. Plus, hein, de creuser. C'est, voilà. Bravo. Voilà. Voilà. On a réussi à faire un truc intéressant au niveau du jeu de mots. Et puis aussi, j'avais toujours été frappé par la lecture de la fameuse lecture du Matin des Magiciens de Margier Pomès, où il y avait ces histoires de théorie de terre creuse qui étaient plus ou moins développées de manière plus ou moins sérieuse. Et c'était des idées, les terres creuses, alors soit la terre est vraiment creuse, on entre à l'intérieur, il y a un soleil central et tout, soit l'histoire complètement délirante de l'idée d'une terre concave, bon, on va pas développer là-dessus, mais ces idées de comme ça de cosmogonie alternative m'avait toujours fasciné, et je me suis dit tiens, avec le travail de Guy, c'est une occasion de faire une espèce de point, parce que dans notre répertoire on a aussi rédigé une très longue introduction où on essaye de faire un petit peu un historique de ces théories avant d'entrer dans le décortiquage ouvrage par ouvrage et classer chronologiquement, si je me souviens bien c'est comme ça qu'on a fait introduction d'ailleurs beaucoup plus importante que pour être fiction. Ah oui, c'est ça, on a fait 4 pages. Oui, voilà, ça suffit. On a fait un mode de méthode. Voilà. Alors justement, venons-en à Rétrofiction. C'est donc un projet qui remonte à avant, qui est, vous le dites l'un et l'autre, très inspiré dans la volonté de poursuivre le travail de Versin. Oui, bien sûr. On s'est même approprié son concept, qui est celui de la conjecture romanesque rationnelle. Alors parlez-nous de ça. Pourquoi est-ce que le mot science-fiction était trop anachronique pour l'appliquer à l'ensemble de ce que vous recherchiez dans la littérature? Il est apparu en 1926-1929, donc pour expliquer qu'il y avait aussi ce type de fiction au 16e, 17e, 18e, c'était un peu compliqué de l'appeler science-fiction. Donc, il y a plein de termes qui sont greffés là-dessus. Il y a le merveilleux scientifique, il y a le... Voilà. Tout ça, on ne pouvait pas l'appeler la science-fiction. Mais nous, ça nous intéressait. Et de faire une bibliographie commentée comme on l'a rédigée là, c'est ce qui nous a plu. En fait, c'est l'histoire des idées qui nous plaît. L'évolution, la science-fiction, enfin, la littérature de science-fiction est une des rares où les acquis du prédécesseur sont remis en œuvre par les auteurs suivants. Et ça, c'est capital. Et c'était vrai aussi au XVIIe, au XVIIIe siècle. Un mot, Joseph Alterac, sur cette notion de conjecture romanesque rationnelle. Ça a fait, ça a été évident, ça a été une évidence pour vous tout de suite de donner ce sous-titre-là, en tout cas de donner cette acception-là à cette expression pour définir ce que vous cherchez dans la littérature. C'est une évidence parce que, comme le dit Guy, de toute façon, nous on a décidé tout de suite de se mettre dans les pas de Pierre Versin. Donc c'est une évidence. Il faut savoir que l'expression de Pierre Versin, qui avait d'ailleurs été résumé par un acronyme qui n'est pas très heureux, que je trouve qui est Cora, que personne n'emploie, sauf quelques vieux connaisseurs, Kakoshim. on préfère dire conjecture, on va dire ce qui est rationnel. Ça n'a pas, à l'époque, ça n'a pas forcément séduit. Au fil du temps, des tas de travaux, de tentatives de définir la science-fiction, déjà c'est un problème, de voir s'il n'y avait pas d'autres termes possibles à appliquer. Finalement, tout bien pesé, en feuilletant l'ensemble des recherches universitaires ou pas, pénibles à lire ou intéressantes, souvent pénibles à lire dans le cas universitaire, il faut bien l'admettre, on a pensé qu'il valait mieux revenir à l'expression de Pierre Versin, qui avait l'avantage d'écumer un peu large, mais qui précisément évitait de tomber dans ce piège de vouloir de toute force donner une définition carrée, on va dire, de la science-fiction. Alors, la science-fiction, c'est, fait partie de la conjecture romanesque rationnelle. Mais la conjecture romanesque rationnelle, c'est un petit peu plus vaste que ça. Un ensemble plus large. Voilà. L'utopie qui est importante. C'est le début, c'est le premier bloc d'ouvrage Versin. On va dire que c'est le premier bloc. Un écrivain et un théoricien et directeur de collection comme Gérard Klein considère qu'il fait la préface de Rétrofiction, considère qu'il y a une filiation entre l'utopie et la science-fiction. Je suis assez d'accord avec lui, mais c'est une thèse qui se débat, qui n'est pas si évidente que cela. On va y revenir sur les choix, notamment du point de départ de cette encyclopédie. Peut-être un mot tout de même, qui est un pas de côté important par rapport aux travaux de Versin, c'est que vous choisissez de vous cantonner à la francophonie, Guy Coste. Et vous le choisissez tout de suite, ou est-ce que c'est après un peu de débat? Comment est-ce que ça s'est passé? On a rapidement compris qu'on allait avoir une grenouille qui allait devenir bien plus grosse que le bœuf, uniquement même déjà avec la francophonie seule. Rajouter le monde entier aurait été une folie absolue. Et puis on nous fait déjà le reproche d'avoir un poids excessif avec ces deux ouvrages-là. Non, c'était pas la peine d'y aller. Largement aggravé depuis que je trimballe vos livres. Voilà ce que je voulais dire pour ce sujet. Oui, on a, comme on était entré dans... Bon, en fait, c'est, on s'est aperçu au fil du travail. On a assez vite décidé, de toute façon, de faire dans le domaine francophone seulement, tout simplement pour des raisons de compétences. Bon, je ne sais pas que nous sommes totalement ignorants du domaine anglo-saxon. Je parle très mal l'allemand. 3, 4, voilà, et, j'ai 3-4 connaissances sur la science-fiction allemande aussi. Vous l'imitez pas très bien non plus, d'ailleurs. Voilà, hein. Je pourrais vous le faire en italien, c'est encore je pire. Je suis pas sûr qu'on va se lancer dans ce voilà, style-là. Voilà, il y a la science-fiction italienne. Enfin bon, il y a vouloir faire quelque chose d'international avec notre décision d'être si précis et si complet, c'est un travail qui n'est pas possible. Il faut qu'il y ait nos alter ego dans les langues en question. Il faut que des germanophones fassent la même chose pour le monde germanophone que des anglophones. Là, il y en a quand même un certain nombre qui ont déjà fait un certain nombre de travaux et qui continuent à en faire là-dessus. En Espagne, en Italie, il faudrait qu'ils se réveillent un peu les Italiens, qui fassent leur encyclopédie dit de la Fantasenza. Il y a des choses sur le populaire qui ont été parues, mais il faut faire quelque chose de plus... L'équivalent, je ne le connais pas. Il faut faire quelque chose de plus systématique, me semble-t-il. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Le générique de début du Rocky Horror Picture Show Science Fiction Double Feature qui égrène toutes les grandes stars du cinéma de science-fiction des années 50. C'est intéressant puisque c'est exactement là où vous vous arrêtez, d'où le point de liaison avec ce morceau du jour. Et je ne vous révélerai pas ici à ce micro mon passé avec le Rocky Horror Picture Show qui doit rester dans les annales oubliées de l'animation cinématographique. Bref, tout ça pour vous dire que nous recevons aujourd'hui les deux auteurs de l'encyclopédie de la conjecture romanesque rationnel francophone rétrofiction. C'est publié chez Ancrage et aux Belles Lettres, Guy Coste et Joseph Alterac, une somme vraiment impressionnante et passionnante. Peut-être justement, puisqu'on parle de la fin donc des années 50, vous dites et vous expliquez assez bien que l'imaginaire de science-fiction qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire les extraterrestres, le voyage interstellaire, le voyage dans le temps, est un imaginaire finalement littérairement extrêmement récent, Joseph Alterac. Oui, alors... Disons que, bon, des extraterrestres, il y en a depuis longtemps, en conjecture romanesque et rationnelle, depuis même très longtemps. Mais je pense que ce travail, une fois à peu près terminé, on se rend tout de même compte qu'il y a un certain nombre de thèmes qui, pour certains, pour moi, des thématiques sont nouvelles, ou alors, lorsqu'elles ne sont pas nouvelles, sont très rares. Prenons l'exemple du voyage dans le temps, qui a l'air d'une chose absolument évidente aujourd'hui. On fait la recension dans, je ne sais pas combien on a recensé de titres, mais enfin, c'est presque banal aujourd'hui. Ouais. Voilà, raison, pour 4 siècles, hein, on couvre 4 siècles avec ce travail hein, de la littérature française, c'est-à-dire du pays, de la culture et de la littérature. Ben, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, on finit par se dire que 11 000 occurrences, c'est pas beaucoup. Pour voilà. 4 siècles. L'Uchronie. Donc, pour 5 000 entrées onomastiques. C'est vrai que quand on voit le nombre d'ouvrages par année, ça culmine évidemment au XXe siècle avec un pic, je crois, en 1946, où il y a quasiment 350 titres. Mais sinon, on est sur une dizaine, une vingtaine d'œuvres par année avant ça. C'est pas considérable. Ça donne une somme considérable. Voilà, ça donne une somme considérable, mais sur 4 siècles, c'est pas énorme. Et on voit aussi que certains thèmes sont très peu utilisés. Bon, l'Uchronie, dont on a un tout petit peu parlé là, en réalité, on cite ces exemples. Alors, ils sont à la fois très intéressants et passionnants, mais ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, un thème comme le monde parallèle, le voyage dans le temps et les paradoxes temporels, ce sont des choses qui sont évidentes pour le public de la science-fiction aujourd'hui, et même le grand public. Ces thèmes-là, le paradoxe temporel, par exemple, sont quasiment absent. Il faut attendre le célèbre texte de Wells. Je parle du paradoxe. Hein. Pour le paradoxe temporel, il faut attendre. Attention, paradoxe temporel, il faut attendre le voyageur imprudent. Hein. Oui, sinon, il n'y a pas de paradoxe. Hein. Il n'y a pas dans. On va dans le passé pour tuer un ancêtre. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est jamais traité dans la conjecture romanesque rationnelle des 4 siècles que nous avons étudiés. Hein. Alors, quand on est dans l'index à voyage temporel, il y a tout de même un certain nombre d'entrées. Il y a un certain nombre, surtout, de sous-catégories. Hein. Il y a la sous-catégorie décalage temporel ou animation suspendue. Il y a la sous-catégorie vision transtemporelle machine. Il y a la sous-catégorie vision transtemporelle surnaturelle. Il y a la sous-catégorie voyage temporel à déroulement contrôlé. Voyage temporel à rebroustant ou à l'envers. Voyage temporel blocage ou boucle. Paradoxe de Langevin, scientifique ou avec machine, ça veut dire qu'il y a quand même, ça a été bien exploité, mais évidemment ça, vous dites plutôt au XXe siècle et plutôt dans la deuxième moitié de la première moitié du XXe siècle, Guy Coste. Oui, et encore dans les sous-catégories qu'on a voulu traiter dans l'index, on est beaucoup moins précis que Blyler dont parlait Joseph tout à l'heure. Eux, c'est complètement hallucinant. Et à la lecture rien que de l'index, on est complètement perdu. D'ailleurs, au début, on se disait l'index, ça va aider le lecteur, il va s'y retrouver. Mais non, il s'y perd aussi. C'est une belle façon de rentrer, pour moi, en tant que lecteur, en tout cas, de cette encyclopédie. Oui, c'est une vraie belle, c'est une vraie boutade, belle, bien belle, belle porte d'entrée. D'autant que les auteurs, les deux façons d'aborder quand on est amateur de science-fiction, et je parle vraiment à titre très personnel, c'est d'aller chercher les auteurs qu'on connaît. Bien entendu. C'est évidemment quelques noms connus. C'est la première chose que font les gens, oui. Soit en littérature générale, classique, soit en littérature spécialisée, et ensuite aller se perdre dans l'index. Et alors là, quand on commence à se perdre dans l'index, c'est sans fin. C'est la fête, oui. C'est la Noël, fête. C'est Noël, ça tombe bien, c'est bientôt Noël, c'est un magnifique livre pour les fêtes. Je le redirai tout à l'heure. Peut-être un mot pour dire, donc, pourquoi ces bornes, comment vous les avez choisies? Est-ce qu'elles se sont imposées à vous, la borne de départ étant Pantagruel de Rabelais en 1532 et la borne de fin étant 1951. Qui veut répondre à ça? On avait imaginé au tout départ mettre en avant la première utopie française réelle qui est un anonyme qui s'appelle le Royaume d'Antangile qui remonte à 1616. Ça fait un siècle quand même après Thomas More. Et son utopie. Et puis, on s'est rendu compte que le vrai premier utopiste francophone pouvait être Rabelais à cause de son abbaye de Thélème. Et là, il n'y a pas eu d'hésitation. À partir du moment où on a fait ce constat, on est remonté jusqu'à Rabelais. Il n'y a pas tant d'occurrences que ça entre Rabelais et Antangile qu'on puisse en venir à bout. C'est un peu ce qu'on a ressenti. Donc, on est remonté jusqu'à Rabelais. Et puis ensuite, on a décidé d'arrêter en 51 parce que c'est l'apparition des premières collections françaises, j'allais dire francophones, mais non, françaises, de science-fiction, avec Anticipation du fleuve noir, on l'a dit tout à l'heure, et Le rayon fantastique de Hachette Gallimard. Voilà. Pourquoi vous arrêtez justement en 51, au moment où ce qu'on appelle aujourd'hui le début de l'âge d'or de la science-fiction? À cause du poids. Oui, à cause du poids notamment, ça c'est sans doute la première raison. Non, la raison c'est que ça vient aussi de témoignages de personnes, il en reste heureusement beaucoup, qui ont connu ces époques-là. Par exemple, on pouvait en discuter, hélas, disparu André Ruelland, hein, Kohlsteiner, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Mais on peut toujours en discuter avec des auteurs qu'on a connus, Philippe Curval, Gérard Klein. Et tous disent que, même si on prend Philippe Curval, qui connaissait bien, lui, dans sa jeunesse, la science-fiction, on va dire ancienne, la science-fiction française, ancienne, l'arrivée de ces textes anglo-saxons a constitué un choc véritable. Hein. Et il y a vraiment une différence de ton. Moi, j'aime bien citer l'exemple de La poursuite des Slans de Van Vogt, c'est un auteur que j'aime beaucoup, Van Vogt. Hein. Lorsqu'on lit le début de ce roman, La poursuite des Slans, donc qui est traduit dans le rayon fantastique d'Achille Gallimard, on assiste à une scène, c'est un jeune gamin avec sa mère et les deux sont traqués. Ils sont traqués, une espèce de police cherche à les attraper et à les tuer. Ça démarre sur les chapeaux de roue et le roman va être comme ça tout le temps, une succession de surprises, d'étonnements. C'est la même chose en lisant le Monde des Nonas, traduit par Boris Vian, mais toujours de Van Vogt. Je prends l'exemple de Van Vogt, un auteur qui m'est cher. Cette manière de faire de la science-fiction a été un tel choc que pour pas mal de lecteurs, elle s'est confondue avec la science-fiction. Hein, voilà, on voit arriver ces auteurs, des auteurs comme Asimov, alors c'est pas un Américain, mais un auteur comme Arthur C. Clarke et compagnie. Hein, je parle de Arthur C. Clarke, Van Vogt. Ces auteurs ont une manière d'écrire, une manière d'aborder les choses, une espèce d'une part, on va dire, stylistique un peu, hein, d'autre part, une ampleur de la vision, hein, qui est différente, qui n'est pas celle des auteurs français. C'est une des différences, et c'est vraiment un choc ressenti par les lecteurs du temps. Hein. C'est pas une imagination, enfin une idée qu'on se fait aujourd'hui. C'était une révolution, oui, on peut le dire. Oui, tout à fait. Alors justement, puisqu'on part du principe que cet âge d'or de la science-fiction anglo-saxonne a d'un seul coup tout cannibalisé ou tout phagocyté, on va s'intéresser, et c'est ce qui est passionnant dans cette encyclopédie, à ce qui se passe avant justement cette invasion de l'imaginaire. Et moi, il y a une question qui me taraude à lire cette encyclopédie, c'est-à-dire que vous soyez allé chercher des auteurs spécialisés, des auteurs qui font ce qu'on appelle aujourd'hui communément de la science-fiction, ça paraît compréhensible, mais comment avez-vous travaillé sur les auteurs de littérature classique pour aller chercher à l'intérieur de leur œuvre la conjecture romanesque? On a dit tout à l'heure qu'on allait parler des co-auteurs aussi, oui, qui sont Philippe Murat et Philippe Etuin. Philippe Murat nous a beaucoup aidé sur l'entrée d'Alphonse Allais, qui est un auteur qu'on croyait complètement connaître, abouti, dont les exégètes avaient fait toute la biographie, la bibliographie, et en fait pas du tout. Pas en ce qui concerne notre domaine de la fiction ancienne, romanesque, rationnelle. On s'est rendu compte, à l'épluchage des quotidiens, qu'il avait fait 170 textes, et encore je suis sûr qu'on en a oublié, c'est la première fois qu'on voit ça recensé en francophonie pour un auteur dit classique, reconnu, archi reconnu, mais cet aspect des choses chez lui est mis en avant pour la première fois ici, oui, y compris la bibliographie, publié à la Pléiade, bien entendu, mais perdu au milieu de ses romans et de ses autres nouvelles. Mais aller chercher, par exemple, dans la ville de Claudel, comment vous procédez? Fascinant. C'est comment on procède, en fait. Mais autrement, sur l'inspiration, pourquoi faire ça? C'est encore une fois Pierre Versin. Lorsqu'on feuillette l'encyclopédie de Versin, on se rend compte que lui a trouvé de la conjecture romanesque rationnelle, ou la science-fiction, si on veut dire plus vite, hein, chez des auteurs parfaitement inattendus. Paul Valéry. Je pense qu'il a initié cela, et justement, ce que je disais un peu tout à l'heure, dans cette espèce de groupe de passionnés informels, mais qui s'intéressent à la science-fiction ancienne, et beaucoup aussi à la littérature française, c'était un défi aussi. C'est devenu un défi, un plaisir depuis des années, depuis qu'on lit le Versin, de dire, tiens, tu sais que tel auteur qu'on ne soupçonnerait pas écrire de la science-fiction a écrit de la science-fiction. C'est une sorte de jeu, hein, en trouver là où on se dit, tiens, celui-là, c'est pas possible, il n'a pas pu le faire. Gérard Klein, dans sa préface, évoque ce jeu dans lequel il perdait systématiquement contre Joseph quand ils étaient au déjeuner du lundi. Voilà, ça c'est un signe de quelqu'un qui a quand même maintenant un âge assez avancé et qui reconnaît cela, qu'il y a eu une période avant la science-fiction qui était quand même de notre sujet, voilà. Je ne sais pas lequel des deux Philippe a un compte Twitter qui est Férocias, mais en tout cas, je pense qu'il est... C'est Philippe Etuin. D'accord, on le salue puisqu'il est en train de nous écouter, qu'il live-tweet en quelque sorte cette émission. Peut-être... Il faut qu'il arrête avec ses cartes postales, c'est fatigant. C'est un message que je passe. Voilà, écoutez, le message est passé. Philippe, j'adore ça. France Culture, vous voyez, c'est un peu ça, c'est aussi la radio associative des années 80, on se passe des messages à l'antenne en direct. Un mot aussi, pourquoi... Alors, on comprend bien avoir... De, de, la volonté d'introduire, d'aller chercher les chansons, la poésie. Pourquoi avoir voulu, par exemple, inclure dans cette encyclopédie un objet aussi, étrange que la vaisselle de conjectures romanesques francophones? Joseph Alterac, expliquez-moi ça. S'il vous plaît. C'est la collection de Guy. Donc... Mais en fait, c'est. Je crois que vous mentez complètement. Non, c'est la vôtre. Oui, c'est ma collection. Mais il y a une exposition. Guy a réalisé une exposition de cette collection. À Sèvres, il y a deux ou trois ans. Oui. Alors, je crois qu'il y avait tes pièces et quelques autres, non? Oui, c'était des pièces ou d'autres. Alain Grousset. Voilà, oui, parce que ça paraît peu croyable, mais d'autres personnes collectionnent assiettes ornées de. Il faut expliquer aux auditeurs à quoi ça ressemble une assiette de conjecture romanesque. Alors, vous avez l'ouvrage sous les yeux, donc il suffit d'aller à l'assiette. Alors, à la radio, ça passe moins. Voilà, ce sont des visuels pour faire plaisir à Joseph, puisqu'il a découvert ce mot il n'y a pas longtemps. D'assiettes ornées, les amateurs appellent ça des assiettes parlantes, qui figurent une scène au centre de l'assiette. Ce sont souvent des assiette à dessert, et sur le marli, une espèce de frise qui, dans le cas de la série du XXe siècle, qui est la seule qu'avait repéré Versin d'ailleurs, c'est ce qui m'avait donné envie d'en trouver d'autres, possède des poteaux électriques un peu comme dans le bandeau du matin, le journal quotidien, où il y a des... Allez, ça n'existe plus, hélas, pour les jeunes, j'explique, c'est des poteaux télégraphiques qui supportent des porcelaines blanches sur lesquelles sont fixés les fils électriques du téléphone ou de l'électricité. Voilà. Oh là là. Et ben, cette frise fait le tour de toutes les assiettes de cette série du XXe siècle, qui est parue en 1880, donc qui représente des scènes de chasse sous-marine, de chasse souterraine, de la place des femmes avocats, vous voyez, toute l'évolution des féministes de l'époque qui s'étaient donné rendez-vous sur ces types de supports. Moi, ça m'a passionné, oui. Justement, il y a votre camarade Philippe Férocias qui dit que dans les auteurs peu attendus, il y a Eugène Potier, l'auteur de L'International, Joseph Alterac. Oui, je crois que c'est plutôt... Alors, évidemment, est un redoutable chercheur. Je crois que l'aspect chanson a beaucoup intéressé aussi Philippe Murat. Oui, qui est très, pour les chansons de Béranger, par exemple. Très chanson, effectivement. Les chansons de Béranger, d'ailleurs, qui posent des problèmes bibliographiques de date un peu compliquée. Oui, mais ça, vous voyez, c'est cet esprit, entre guillemets, amateur de vieille SF. Hein, et communautaire, On traque depuis des années, on se connaît souvent entre nous depuis 20, 30, parfois plus de temps. Mais que moi, ça. Plus, oui, forcément, voilà, je suis plus âgé. Ouais. Et c'est un jeu. Alors, à force de creuser, on finit par passer pour des érudits, ce qui nous fait beaucoup rigoler. Vous pouvez être reconnu. Très légitimement érudit dans le domaine que vous avez exploré depuis des années. Voilà, on va dire ça. On peut être à la fois très fier et très amusé. Ça veut juste dire qu'on aime la lecture, hein, c'est tout. Pour les jeunes, il faut lire. Tout à votre un mot. Vous me faites perdre mon fil. Pardonné. Je voulais peut-être parler de quelques voilà c'était ça ma question. À quel moment on s'arrête quand on creuse et quand on a toutes ces références et on imagine que ça devient relativement infini, c'est-à-dire que à la fois dans la littérature classique qu'il est humainement impossible dans une vie de recenser toutes les occurrences cette conjecture romanesque dans l'ensemble de la littérature dite classique, mais de la même façon que vous n'avez peut-être pas débusqué l'ensemble de tout ce qui a pu être publié de manière de plus en plus confidentielle. Donc à quel moment on dit ça suffit, Guy Coste? Quand l'éditeur nous met le pistolet sur la tempe. Faut dire que vous avez passé 10 ans à travailler. On a mis 10 ans à peu près. 11 ans exactement. À rédiger. Les recherches, c'était bien avant. Mais oui, 10 années de rédaction. On travaille par mail, tout simplement, en échangeant, en comparant, et en validant à un moment donné telle ou telle entrée. Bon, après, on la met dans un dossier qu'on ne retouche plus, ou qu'on est censé ne plus retoucher. Mais ça fait rire Jo. Et voilà comment nous fonctionnons. Après, pour le moment fatidique où il faut s'arrêter, c'est un drame, on le vit très mal. On arrête là. Bon, d'accord, on arrête. Et puis, en fait, on en retrouve une autre, et ainsi de suite, et ça peut gonfler. On est dès à présent capable de faire presque une bonne centaine d'occurrences de plus. Oui. Et puis, on a des copains qui jouent au jeu de dire, je ne vous l'ai pas dit avant, mais en fait, ce titre-là, il devrait bien aller dans Rétrofiction. Voilà. Ouais. Alors maintenant, je ne pense pas, c'est un pari, je doute beaucoup... Dans trouvait énormément. On en trouve. Là, on a. Il faut dire qu'on est quand même tellement large. Même... Hein, donc, par exemple, on a une énorme. Beaucoup de dessins de presse, par exemple. Mm-hmm. Or, un dessin de presse, ça fait une occurrence déjà. Hein. Si, quand on a décidé de faire ça, il est évident qu'on trouvera pas mal d'autres dessins de presse préhistoriques avec des parodies ou des robots. Enfin, il y en aura forcément plein d'autres. Hein. De romans feuilletons, peut-être, des nouvelles, sans doute, on en trouvera. Mais je pense, malgré tout, et ça, c'est une impression que j'ai depuis des années qu'on travaille dessus, et en discutant aussi, en comparant avec nos amis, hein, ou collectionneurs, ou chercheurs, ou passionnés de l'histoire de la presse, etc. Je ne pense pas que on puisse faire une mise à jour de cet ouvrage en ajoutant, je ne sais pas, je dis un quart de plus de références, ça me surprendrait. Je pense que nous avons couvert la majorité. Il y a bien sûr qu'il y a d'autres choses. La preuve, on a déjà un peu moins d'une centaine de petites occurrences qu'on peut rajouter. Mais très honnêtement, dans les choses qu'on a en plus, il y a absolument rien de... Enfin, de capital. Oui, il n'y a pas de gros oubli qui nous ferait couvrir la tête de cendre. Non, J'aime beaucoup cette image. Est-ce que ça veut dire que la suite de vos travaux, c'est une révision, une édition augmentée de ces deux volumes de Rétrofiction, ou est-ce qu'il y a aussi un travail à faire de recension post-1951 jusqu'aux années 2000, par exemple, Guy Coste? Alors, il y a un travail à faire, c'est absolument certain. Titanesque. Hein, enfin, oui, parce complètement. Que... voire plus important encore que ce qu'on a pu réaliser là. Parce que ça fait Flores, voilà, tout simplement. Et que... il faudrait pouvoir se plonger à nouveau dans la presse, dans beaucoup de choses, pour faire un équivalent de Rétrofiction à partir de 52. Est-ce qu'on en aura la force ou l'envie ou le besoin? Ça, je laisse Joseph répondre. Pour ne pas perdre la main, comme on disait tout à l'heure, on, à tout hasard, on recense tout ce qu'on trouve encore pour faire un petit dossier de la période considérée de Rétrofiction. Ça paraîtra un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Arrivera aussi un jour où on sera obligé, ça prouve bien qu'on n'est pas hyper enthousiaste comme ça, parce que c'est souvent parce qu'on n'y connaît rien, c'est de transformer tout cela de manière informatique. Un jour, il faudra bien que ce travail qui existe là sous forme de volume, parce que nous tenions absolument à avoir un volume entre les mains comme le Versin, parce que c'est comme c'est ça. C'est la nostalgie. On est de la vieille, on est de l'époque du papier, hein, on est les derniers, la poignée de personnes qui s'intéressent encore au livre. Parce que c'est génial de tenir ces deux volumes énormément. Et bien voilà. Par ailleurs, c'est un vrai plaisir de lecteur aussi. C'est la raison, voilà, c'est la raison. Mais il est bien évident que il est absolument indispensable que ce type de travail se trouve disponible de manière informatique, d'une manière ou d'une autre. Alors ça, on y réfléchit. C'est un travail d'archivage, mais on le fera. Bon, voilà, on le fera un jour ou l'autre. On le fera. Mais pourquoi continuer? On peut continuer. Faut-il, voilà. Mais on ne peut pas, je pense qu'il n'est pas possible de le faire de la même manière. On ne peut pas recenser toutes les nouvelles, toutes les publicités, les dessins d'humour. Les fanzines. Et dépouiller tout ça et puis donner à chaque fois, comme on l'a fait dans Rétrofiction, un petit résumé ou un petit extrait. Ça deviendrait de la folie. Un commentaire bibliographique, en l'occurrence. Ça deviendrait, un commentaire. Ou ça demande peut-être une collaboration plus élargie. Et on perdrait, autant avec ces deux volumes, je pense qu'on peut, avec Rétrofiction, le lecteur va avoir une vision d'ensemble. Autant si on faisait la même chose sur les périodes récentes, lecteur perdrait la vision d'ensemble. Il serait totalement noyé, beaucoup plus que dans Rétrofiction. Les auteurs importants n'apparaîtraient pas, voyez, il y aurait trop de problèmes. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. J'aimerais que pour les auditeurs, vous nous fassiez un peu rentrer dans ce qui est votre extract, vraiment ce que vous préférez, les entrées les plus insolites ou celles qui sont simplement les plus chères à vos cœurs, que ce soit des entrées thématiques, des auteurs, des ouvrages, que vous fassiez un peu profiter de la substance de cette encyclopédie. Je sais que c'est une question difficile, mais Guy Coste, si on devait, un auditeur qui va se procurer cette encyclopédie, vous lui diriez mon entrée, celle que j'ai pris le plus de plaisir à rédiger, à lire, intégrer, ce serait laquelle? Je vais répondre de manière un peu biaisée. Il y a des auteurs qu'on croyait bien connaître pour quelques occurrences. Je pense au dessinateur Henriot, par exemple, qui a fait des volumes assez importants et intéressants dans ce domaine-là. Mais on s'est rendu compte, en le cherchant et en le traquant, qu'il en a fait plus de 150 dessins de ce domaine, de ce type-là. Donc c'est devenu, par le nombre d'occurrences, un auteur hyper important, alors qu'on pensait que ça serait limité à 3 ou 4 entrées. Ça a été vrai aussi pour un autre feuilletoniste du 19e, enfin début 20e aussi, Marius Monnier, que moi j'adore. Il a fait des romans feuilletons exceptionnels, qu'il illustrait lui-même ou qu'il faisait illustrer par Carsten Raven, parce qu'il n'avait plus le temps, parce qu'il était pris par d'autres travaux. Voilà, une entrée que je conseille aux jeunes lecteurs, qui va trouver une vieillerie, certes, mais passionnante. Joseph Alterac. Pour ma part, là aussi, c'était un peu difficile de répondre à cette question, mais j'ai éprouvé un intérêt décuplé, alors que ça m'a toujours intéressé, pour la bande dessinée. Et notamment la bande dessinée, alors avant, enfin après, ce que nous on appelle dans Rétrofiction les récits sous images, hein, bon, des cases et puis dessous le texte, mais disons les débuts de la bande dessinée dite moderne, hein, avec des bulles, avec des ballons, disons, etc. Donc à la fin, toute fin des années 30, et cette période, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 51, en fait, un peu, quasiment jusqu'à 49 pour des questions de censure de la loi française qui sont bien connues. Bon, il y a un groupe là de dessinateurs et de scénaristes. Alors difficile à repérer souvent maladroit pour les dessinateurs, souvent un peu superficiel pour les scénaristes, mais pourtant assez fascinant. Pour moi, il y a un petit bloc qui est la science-fiction en bande dessinée francophone, on va dire de 1938 à 1951, qui est un petit monde foisonnant, étonnant, que certains collectionneurs connaissent, hein, la bande dessinée est couverte par pas mal de gens. Mais là, il y a quelque chose à creuser, il se passe quelque chose d'amusant. Cette fusion entre la science-fiction et la bande dessinée, c'est naïf, c'est maladroit, mais c'est grouillant. Et je crois qu'on n'a pas tout à fait complètement fait le tour. Moi, j'étais très, très surpris. Alors, c'est peut-être dommage de conclure là-dessus, mais j'étais quand même surpris de trouver des entrées à Maurras et Drieu-La Rochelle, Guy Coste. Parce que Drieu-La Rochelle, pour ses poèmes, a été quelqu'un qui a compté dans ce domaine-là. C'était un très grand érudit. Il s'est fourvoyé dans une collaboration regrettable. Et c'est Maurras, ce qui a dû... Bon, Drieu, à la limite, je comprends. Non, mais littérairement, Drieu, on peut comprendre. Maurras, moi, ne m'intéresse pas du tout. Non, mais c'est quand même... Alors, Maurras, ça vient du fait que dans son journal, hein, l'Action française, de manière curieuse, alors ça c'est à cause... On va dire à cause, hein, et on va pas dire grâce, à cause de Gallica, qui permet de consulter les journaux. Et comme on a travaillé, évidemment, forcément, en faisant des mots-clés, en cherchant des mots-clés, à un moment donné, anticipation, des choses comme ça, je crois que c'est moi qui l'ai trouvé, celui-là. On est tombé, je me suis aperçu que, dans l'Action française, journal que je fréquente fort peu, certains critiques parlaient d'ouvrages de science-fiction de l'époque, des années 30. Et de fil en aiguille, eh ben, je suis tombé sur ce texte de Maurras. Bon, ça va pas si loin que ça non plus. C'est une petite entrée. Voilà. C'est presque dommage de terminer là-dessus. C'est une uchronie. Voilà, au moins, on ne peut pas nous taxer de censure. Exactement. Voilà. Voilà, c'était une nouvelle écoute de l'émission du 23 novembre 2018 avec le regretté Joseph Alterac et Guy Coste. Vous pouvez toujours, bien sûr, vous procurer cette rétrofiction, ces rétrofictions, cette encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone aux éditions Ancrage et Belles Lettres. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, avec Étienne-Antoine Beauchamp, Nomina Guette-Saint-Vulfranc, François Malordi, Céline Lozen, Natacha Trioux, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric c'est la technique. La semaine prochaine, dans le labo de La Méthode Scientifique, lundi, nous parlerons des oiseaux marins durement touchés par la pollution environnementale. Mardi, ce sera le deuxième et certainement dernier épisode de notre diptyque consacré à l'effondrement de la fonction d'onde, cette fois centré sur la position de l'observateur. Mercredi, notre émission mensuelle spéciale Covid sur toutes les questions liées à la vaccination. Jeudi, nous parlerons de la fonction exponentielle en mathématiques et ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain à 16h, vous retrouvez le camarade Étienne Klein pour sa conversation scientifique. Nous on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.